La Bavolette par Paul de Musset. Première partie, chapitre 1er. Peu de temps après la mort du roi Louis XIII, il y avait au village de Saint-Mandier une pauvre paysanne dont une méchante masure, une vache et quelques poules composaient tout le bien. On l'appelait Dame Simone. Au point du jour, elle allait vendre du lait à la porte Saint-Antoine et revenait travailler jusqu'au soir pour gagner le juste nécessaire. Souvent, elle prenait encore sous le temps du sommeil pour sauver à grands coups d'aiguille les débris de son trousseau. À force de courage et d'industrie, elle aurait pu joindre les deux bouts de l'année si son mari n'eût rapporté dans le ménage plus de désordre que de profit. Maître Simon faisait des corbeilles d'osier qu'un marchand de Paris lui achetait. Mais il en allait boire régulièrement le produit et ne rentrait à la maison que les poches vides et l'estomac plein pour quereller sa femme. C'est pourquoi le chagrin et la misère avaient flétri le visage de Dame Simone plutôt que les années. L'unique consolation que le ciel eût donnée à cette paysanne était un enfant frais et charmant, d'un esprit précoce et du meilleur naturel du monde. C'était pour sa fille qu'elle veillait et travaillait assidûment. Dieu seul, qui sait le compte des peines et soucis des mères, pourrait dire à quel prix celle-ci vint à bout d'élever son enfant. Quoi qu'il en soit, la petite Claudine poussa comme une plante vivace en dépit des privations. Elle atteignit sans accident sa 12e année, et avant qu'on eût songé à la remarquer, elle était déjà la plus jolie fille de son village. Le curé de Saint-Mandé, en lui enseignant le catéchisme, s'aperçut que Claudine avait une intelligence et des instincts au-dessus de son âge et de sa condition. Elle embarrassait le bonhomme par ses questions et l'étonnait par ses réponses. Elle semblait deviner ce qu'il lui voulait apprendre, et ajoutait des réflexions aux leçons qu'il lui donnait, en sorte que Dame Simone trouvait la récompense de ses soins et le soulagement de ses maux dans les éloges et les bénédictions du curé. Claudine témoigna à sa mère plus de respect et d'affection que n'ont accoutumé de faire les enfants de la campagne, dont la vie laborieuse éteint souvent tous les sentiments. Au rebours de la plupart des paysannes, qui ne voient dans leur progéniture que des bras à employer, Simone ménageait les forces de sa fille et ne la quittait presque point. La petite jeunesse de Claudine échappait ainsi à ces deux écueils du corps et de l'esprit, l'excès de fatigue et le défaut de surveillance. Un jour d'hiver que sa mère l'avait laissée au logis pour ne pas l'exposer au mauvais temps, Claudine entendit une troupe de cavaliers passer au galop sur la route. Elle se mit à la fenêtre et vit un seigneur petit de taille accompagné de 30 gentilshommes au moins qui paraissaient être à lui car il le suivait à distance. Ils étaient tous jeunes, richement équipés, coiffés de larges chapeaux dont les plumes volaient au vent, et ils voyageaient à franc étrier. Tout à coup, la sangle de l'un des chevaux se rompit, la selle tourna, et le cavalier tomba dans la boue. La bande entière s'arrêta et mit pied à terre, hormis le seigneur, qui demeura sur son cheval. On s'empressait autour du cavalier démonté. Celui-ci riait de sa mésaventure, mais on voyait, à sa pâleur et au tremblement de ses mains, que la chute avait été rude. Il s'apprêtait à sauter sur le cheval d'un laquais de la suite lorsqu'il aperçut devant lui une petite paysanne qui lui présentait d'une main un verre d'eau et de l'autre une serviette pour essuyer la boue dont il était couvert. « Je n'ai que faire de cela, » dit le gentilhomme. « Il ne faut point retarder son Altesse pour si peu de choses. »« Rien ne presse, » dit le seigneur que l'on traitait d'Altesse. « Nous n'avons pas d'ennemis à surprendre. Buvez cette eau, monsieur de Bue, et prenez le temps de vous remettre de la secousse. Vous vous êtes fait mal. » Tandis que M. de Bue nettoyait à la hâte ses habits, le grand seigneur, en manœuvrant son cheval, se vint mettre devant Claudine et lui demanda son âge, son nom, si elle avait des parents, à quel métier ils gagnaient leur vie, ce qu'on vendait une pinte de lait et une douzaine d'œufs, comme si tous ces détails l'eussent fort intéressé. La petite fille répondait avec assurance et simplicité. Le seigneur, touché de sa gentillesse, lui dit d'un air où la bonté se mêlait à la brusquerie « Je veux faire quelque chose pour toi. Que désires-tu ? « Parle vite, point de bavardage inutile. »« Ce que je désire, » répondit Claudine, « je ne suis point en peine de le trouver. Il me faudrait 4 écus, non pas pour moi, mais pour mon père. »« Et pourquoi, » reprit l'Altesse, « cette somme de 4 écus ?»« Parce que monsieur de l'impôt doit venir demain et que nous n'avons pas de quoi le payer. » L'Altesse tira de sa poche un louis d'or et le mit dans la main de Claudine en lui disant d'un ton sévère, « Cette pièce vaut le double de la somme que tu demandes. Demain, quand je retournerai à Paris, tu me rendras 12 livres. Je n'y manquerai point, mon seigneur. » Le prince avait déjà lancé son cheval au galop et s'éloignait suivi de ses gentilshommes. Claudine demeura longtemps plongée dans la contemplation du louis d'or. Elle en admira la face où l'on voyait le portrait du feu roi. Elle fit le signe de la croix pour se remettre de son émotion et rentra toute pensive dans sa cabane. Au retour des champs, Dame Simone apprit avec bien de la surprise l'aventure de sa fille. Il en fallut recommencer deux fois le récit. La mère couvrit de bénédictions le bienfaiteur inconnu et se perdit en conjectures pour découvrir qui ce pouvait être. Comme elle était peu versée dans l'état de la famille royale et de la cour, elle ne sut à quel nom fixer son esprit, mais elle se promit de payer le percepteur des impôts et de rendre au généreux seigneur les 12 livres de surplus. Quant à maître Simon, il fut résolu qu'on ne lui dirait rien de cette rencontre. Par malheur, les enfants qui jouaient sur le bord de la route avaient vu de loin la chute du cavalier, les secours apportés par Claudine et le geste remarquable du chef de la troupe fouillant dans sa poche et donnant une récompense à la petite fille. Ces enfants trouvèrent maître Simon battant les murs le long de l'avenue et n'eurent rien de plus pressé que de lui raconter l'aventure de sa fille, si bien qu'en rentrant au logis, le maudit homme, instruit de ce qu'on lui voulait cacher, ne manqua pas d'interroger, de crier à tue-tête et de lever le bâton jusqu'à ce qu'il eût saisi le louis d'or, à quoi il attachait au fond plus d'importance que la confession de la vérité. Ce fut le tour de la mère à crier comme une aigle. Quand elle vit la plus grosse somme qu'elle eût jamais possédée tomber dans les mains de son mari, c'est-à-dire prendre le plus court chemin du cabaret. À force d'éloquence, elle fit comprendre à maître Simon que s'il ne payait l'impôt, les gens du roi lui vendraient ses meubles. Pour avoir la paix, le mari consentit à changer le louis d'or. Il donna 12 livres à sa femme et s'empara du reste en déclarant qu'il n'en lâcherait pas une obole. À ces mots, la petite Claudine fondit en larmes et se jeta aux genoux de son père. « Au nom de la Sainte Vierge, lui dit-elle, laissez-moi cet argent qui ne m'appartient pas. J'ai promis de le remettre fidèlement au Seigneur de ce matin. Le retenir serait un vol et un péché. Voulez-vous déshonorer votre fille et vous-même ?»« Tu es une sotte, » répondit le père. « Crois-tu que ce prince attende après 12 livres ? En te commandant de lui remettre la moitié de son louis, il a fait une plaisanterie. Et si tu t'avisais de lui porter son argent, ces gentilshommes et lui se moqueraient de toi. Qu'on ne m'en parle plus. Je garde les 12 livres. C'est une affaire qui n'incommodera point à ma conscience. » Claudine voulut insister, mais le père lui ordonna de se taire et se jeta sur son lit où il s'endormit du lourd sommeil des ivrognes. La petite fille ne ferma point les yeux de toute la nuit. Il lui semblait qu'elle mourrait de honte si le jeune seigneur venait à passer sans la trouver au bord du chemin. Pour soulager son cœur, elle résolut de consulter son curé. Elle se leva doucement au point du jour, sortit de la maison sans réveiller ses parents, et courut tout émue au presbytère. Le curé prit d'abord la chose en riant. Il ne parut point comprendre la gravité des scrupules de l'enfant, et commença par dire qu'il n'y avait point d'apparence qu'un prince voulût marchander son aumône, à quoi Claudine répondit avec vivacité qu'il ne lui appartenait pas de juger si le prince avait ou non parlé sérieusement, que ce prince n'avait donné que la moitié du louis d'or, qu'elle s'était engagée à lui remettre le surplus, et qu'elle lui devait tenir parole. Le curé, entendant cela, devint confus. Il posa sa main sur les cheveux blonds de Claudine en murmurant tout bas. « Mon Dieu, depuis 30 ans j'étudie votre loi, et je la trouve gravée plus avant dans le cœur d'un enfant que dans le mien. » Le bonhomme prit ensuite sa canne et son chapeau et se rendit au logis de maître Simon. Tandis que sa femme travaillait à l'étable, l'ivrogne ronflait encore. Au bruit que fit le curé, il ouvrit des yeux hébétés en demandant ce qu'on lui voulait. « Je viens, lui répondit le vieillard, pour vous empêcher de commettre une méchante action. » Maître Simon eut quelque peine à se rappeler l'aventure de la veille. Mais si les fumées du vin avaient embrouillé ses souvenirs, l'engourdissement du réveil, la faiblesse qui suit un excès et l'embarras de sa langue ne lui laissèrent point de défense contre les arguments de son curé. Moitié par surprise et moitié par respect, il consentit à rendre les 12 livres sans trop savoir ce qu'il faisait. Le curé prit l'argent et le donnant à Claudine. « Ma fille, lui dit-il, remplissez vos engagements. Ces 4 écus vous seront comptés là-haut. » À peine le bon vieillard eut-il fait 20 pas hors de la maison que le dormeur éveillé, reprenant ses esprits, se mit en fureur. Il comprit d'autant mieux ce qui s'était passé que Claudine, ne voulant point mentir, lui confessa tout ce qu'il voulut savoir. Maître Simon redemanda les 12 livres avec des cris épouvantables, en menaçant sa fille de la rouer de coups. Mais, tandis qu'il s'habillait, Claudine s'enfuit et courut au presbytère, se souciant peu d'être battue, pourvu qu'elle sauvât son honneur d'un si grand péril. Elle se tint dans un grenier, regardant avec constance si le Seigneur et son escorte retournaient à Paris. Enfin, vers 2 heures après-midi, ses yeux de 12 ans distinguèrent une troupe de cavaliers qui sortaient du bois de Vincennes. En reconnaissant les armes qui brillaient et les panaches qui flottaient au vent, elle se mit à battre des mains. « Les voici, monsieur le curé, » dit-elle. « Voici le prince qui revient à la tête de son armée tout exprès pour recevoir l'argent que je lui dois. Quel bonheur de pouvoir le lui rendre !» La petite fille courut se planter au milieu de la route. Le prince arrêta son cheval et l'escorte entière fit une halte. « C'est toi, Claudine, » dit le seigneur. « Tu viens chercher des nouvelles du gentilhomme blessé. Il va bien, mamie. Nous te remercions de ta civilité. »« Monseigneur, » répondit la jeune fille, « j'avoue que je ne songeais point au gentilhomme blessé. Je ne pensais qu'à vous rendre les 12 livres que je vous dois. Elles m'ont donné bien du chagrin. »« Comment cela ?» demanda le prince. « Mon père les voulait garder, » reprit Claudine. « Il assurait que votre Altesse était divertie en me commandant de lui rapporter la moitié du louis d'or. Si monsieur le curé s'en fût mêlé, j'aurais manqué à ma parole, et votre Altesse m'aurait soupçonné d'infidélité. Heureusement, j'ai pu ressaisir ces 4 écus. Reprenez-les, monseigneur, afin que je dorme en repos. » Le prince fixa un regard énergique et perçant sur les yeux bleus de la jeune fille, comme s'il eût voulu lui pénétrer au fond de l'âme. Il tira lentement de sa poche une grosse bourse remplie d'or. Puis, comme s'il se fût ravisé, il remit la bourse dans sa haute chose. « Tu as bien fait, » dit-il après un moment de silence, « de me rapporter fidèlement mon argent. Il ne faut jamais manquer à payer ce qu'on doit, ni à tenir ce qu'on a promis. Garde ton honnêteté, ta bonne réputation avant toute chose, et si quelqu'un te les voulait ravir, ou si la misère t'exposait à les perdre, viens me trouver. Tu auras en moi un défenseur et un ami. Je suis le duc d'Enghien. Souviens-toi de mon nom. Adieu, Claudine. » Après le départ du prince, la jeune fille, assise au bord de la route, réfléchissait aux paroles qu'elle venait d'entendre. Son aventure lui paraissait ressembler à ces contes où l'on voit souvent des génies revêtir des formes humaines pour donner aux enfants des leçons de morale ou pour exercer une heureuse influence sur leur destinée. Avec le goût du premier âge pour le merveilleux, Claudine se demandait si cette altesse au galop, répandant des avis et des louis, n'était pas un personnage surnaturel. Elle eut soin de se bien graver dans la mémoire le nom du prince et se rendit à la maison dans le dessein de consulter sa mère. Maître Simon, dont la colère n'était point passée, commença par interroger sa fille avant de l'abattre. Lorsqu'il apprit la conclusion de l'histoire du louis d'or et le nom du seigneur, il déposa le bâton dont il s'était armé, car le duc d'Enghien ne lui était point inconnu, et l'on s'entretenait alors jusque dans les cabarets de la victoire de Rocroi. Simon se mit donc à rêver au moyen de tirer parti de la protection d'un prince si puissant. De son côté, Dame Simone bâtissait des châteaux en Espagne, et dans l'instant même où ces châteaux imaginaires s'élevaient un peu bien haut, Claudine se promettait au fond du cœur de n'avoir recours au prince que dans la dernière détresse, ainsi qu'il le lui avait recommandé. À compter de ce jour, Maître Simon traita sa fille avec plus de douceur et lui témoigna le respect des âmes basses pour les gens de qui elles peuvent espérer quelque avantage. Du reste, il ne fit qu'ivrogner, comme auparavant, et se vantait des bontés de l'amitié extrême dont le premier prince du sang honorait sa personne. Les choses en étaient à ce point lorsqu'un matin un carrosse s'arrêta devant la chétive masure. On vit descendre de ce carrosse une demoiselle que Dame Simone prit tout d'abord pour une princesse, et à laquelle la pauvre paysanne répondit si sottement par excès d'émotion que la demoiselle en éclata de rire. « Ne vous troublez point, bonne femme, dit l'inconnue, et ne vous fatiguez point à me faire tant de révérences. Je vous suis envoyé par Madame de Bouteville. Vous avez une petite fille de qui son Altesse, le duc d'Enghien, a remarqué la gentillesse. Ma maîtresse et ses enfants ont l'envie de voir votre Claudine. Je viens vous prier de me la confier pour un jour seulement. Je l'emmènerai dans ce carrosse et je vous la rendrai ce soir quand ces dames auront passé leur fantaisie. Elle se divertira en compagnie d'autres enfants et vous rapportera sans doute des nippes ou de l'argent. Mettez-lui donc sa robe des dimanches et lui lavez le visage et les mains. Je vous y aiderai. Ce sera l'affaire d'un moment. » Dame Simone n'osa s'opposer au désir de l'étrangère, qu'elle reconnut enfin pour une femme de chambre de bonne maison. Le nom du protecteur de sa fille, le prestige du carrosse, des grands laquais et du cocher, ne lui laissèrent pas la force d'élever des objections. Elle tira de l'armoire une petite robe de laine brune et se dépêcha d'habiller Claudine. La femme de chambre voulut poser elle-même sur la tête de l'enfant le bonnet de toile bisée appelé babolet. Elle y ajouta un ruban rose qu'elle ôta de sa coiffure et trouva Claudine si jolie dans ses habits de paysanne qu'elle lui promit une pluie de gâteaux et de caresses. Lorsqu'elle fut remontée dans le carrosse avec l'enfant, la demoiselle donna l'ordre au laquais d'aller à l'hôtel et les quatre chevaux partirent au grand trot. Dame Simone, debout sur le seuil de la porte, suivit du regard cette lourde machine qui emportait son unique bien, et puis elle rentra dans sa maisonnette en soupirant.